إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 7 dans la lecture de l'explication du livre Kashf al-Shubuhat, le Sharh de Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on est arrivé donc à cette partie où le Cheikh répond aux questions qu'on lui pose. Donc on va lire les questions et les réponses, et on va commencer la partie suivante de l'explication du matin. De qu'est-ce qui suit. Donc inshallah, la question, la première question: man yaqulu tibb tibbul qulub wa dawa'uha, celui qui dit la médecine des cœurs et le remède des cœurs. Kalamun, le cheikh il répond, il dit kalamun ma huwa bi sahih mujmal طب القلوب باتباع الشرع ودواؤها باتباع الشرع، ولكن هذا طب بنفسه ودواؤها بنفسه، وأنه ينفع ويضر، وهذا ما يصلح، هذا يوهم، يكفي أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو تقول اللهم صل على محمد النبي الأمي. Naam. Donc ça, c'est une question qui a été posée au cheikh par rapport au fait de dire la médecine des cœurs ou bien le remède des cœurs. Et qu'est-ce que le cheikh veut dire exactement par ça? Il dit que c'est une parole qui est ambiguë, que c'est pas correct de dire ça, parce que c'est une parole qui peut avoir plusieurs significations. Il dit que le remède des cœurs, c'est uniquement en suivant la charia. Et la guérison des cœurs, c'est uniquement en suivant les règles de la révélation. Donc ça, c'est un remède en lui-même et c'est une guérison en soi. Donc qu'est-ce qu'il dit par la suite? Allahu a'lam, j'ai pas bien compris, j'ai pas bien saisi la signification de qu'est-ce qu'il voulait dire par la suite. Ensuite, l'autre question: yuhkamu alayhi bil kufr am la, est-ce qu'on juge qu'il est dans le kufr ou non? Donc je pense peut-être que dans cette partie là il y a des questions qui ont précédé probablement, ou des choses qui ont précédé qui n'avaient pas été enregistrées, et puis à cause de ça, ça n'a pas été transcrit. Donc peut-être qu'il y a des parties des questions qui sont manquantes. Toutefois ici, ils disent, la question c'est: est-ce qu'on juge à son sujet qu'il est dans le kufr ou non? Et le cheikh il répond: kufrun akbar mithlu law salla lahum da'ahum aw istaghatha bihim wa huwa ya'taqidu annahum shufa'a wa yad'uhum la annahum yakhluqun aw yudabbirun يدعوهم ليشفعوا هذا الشرك الأكبر. أما لو طاف بالقبور ويظن أنه مشروع ويقول إنما أقصد الله في طوافي ويقصد أنه مثل الكعبة يجوز الطواف به، هذا شرك وبدعة وهذا نادر. فالطواف الذي يحصل منه الغالب أنهم يقصدون التقرب إليهم وهذا المعروف عنهم. Donc ici le cheikh il répond, il dit que c'est une forme de kufr akbar, comme si par exemple il priait à eux et il leur faisait des doigts et il les appelait à l'aide et au secours dans les moments de détresse, et qu'ils croient que ce sont des intermédiaires et qu'ils les invoquent non pas parce qu'ils peuvent créer ou qu'ils peuvent gérer, contrôler l'univers. Ils les invoquent pour qu'ils puissent intercéder pour eux. Ça, c'est une forme de shirk majeur. Et il dit, par contre, si la personne, elle fait le tawaf, c'est-à-dire elle tourne autour des tombeaux, et elle pense que ça, c'est quelque chose qui est légiféré, et la personne dit, je fais uniquement ça en me dirigeant vers Allah subhanahu wa ta'ala dans mon tawaf, et il fait ça de la même manière que yani à la Kaaba, et il pense que ça c'est permis de faire ce genre de tawaf. Cheikh il dit ça c'est shirk et bid'a, et ça c'est très rare, parce que la majorité lorsque ils font ce genre de tawaf autour des tombes, ils le font avec l'intention de se rapprocher de ceux qui sont dans ces tombeaux là, et ça c'est ce qui est connu à leur sujet. Une autre question, هذا الذبح عند عتبة المنزل هل هو شرك؟ La question c'est, celui qui sacrifie un animal ou qui égorge un animal au seuil de la porte, hein, sur le seuil de la porte d'une maison, est-ce que ça c'est shirk? Le cheikh il répond, الجواب هذا للجن هذا يفعلونه للجن هذا شرك أكبر هذا عبادة للجن. Donc le cheikh il dit ça, ils font ça pour le djinn. Et c'est pour le djinn qu'ils le font, donc c'est une forme de shirk majeur. Ça fait partie de l'adoration des djinns. Et le cheikh il dit, après on lui pose la question, إذا كان التقرب للجن فقط. إذا كان, c'est comme si la personne elle continuait la question par rapport à la réponse que le cheikh il vient de répondre. Il lui dit, هذا إذا كان التقرب للجن فقط. Donc c'est-à-dire ça c'est si c'était dans le but de se rapprocher du djinn seulement. Et le cheikh il répond, al jawab, la hum yaquluna lil djinn, hum yaquluna lil djinn hatta yakuffuna sharrahum nazbah lahum hatta la yu'zunana fi buyutina wa hadha qasduhum wa hadha yuf'alu fil junub walakin zala walhamdulillah. Le cheikh il répond, il dit que c'est pas nécessaire que la personne elle le fasse dans le but de se rapprocher du djinn seulement. Il dit non, parce que eux qu'est-ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils disent aux djinn, ou bien ils font, qu'est-ce qu'ils font comme sacrifice sur le pied de la maison, en disant que ils veulent repousser le mal du djinn. Donc ils égorgent pour les djinns l'animal, pour que les djinns ne leur fassent pas du tort dans leur maison. C'est ça leur but. Et ça, c'est quelque chose qui était fait dans le sud. Et maintenant, ça a été enrayé maintenant. C'est-à-dire, les gens, maintenant, ils ne le font plus, alhamdoulilah. Sauf que dans d'autres pays musulmans, il y a des gens qui font ça. Quand ils construisent une maison, ou ils font un projet de construction, ou quelque chose comme ça, eh bien, ils sacrifient ou ils égorgent un animal à cet endroit-là, dans le but de calmer les djinns, ou d'apaiser les djinns, ou de faire en sorte que les djinns ne leur fasse pas du tort ou des choses comme ça. Et donc ça c'est courant dans des pour les catégories de personnes qui adorent les djinns. Ensuite, il y a une autre question qui a été posée au cheikh. كثيرٌ من الطلبة يفهم من الشرك أنه طلب قضاء الحاجة من الأموات وأنه إذا طلب من الميت الشفاعة والدعاء يعني يدعو له يقول هذا ليس من الشرك. Donc l'autre question qui a été posée au cheikh, et ça c'est une question aussi importante, il dit que beaucoup d'étudiants, ils comprennent que le shirk c'est le fait de demander aux morts de régler nos besoins et de faire qu'est-ce qu'on a, de nous donner qu'est-ce qu'on leur demande. Et que s'ils demandent aux morts l'intercession et l'invocation, ils disent ça c'est yani, c'est un dua pour lui. Donc pour eux ils considèrent que ça c'est pas shirk mais que c'est bid'a. Donc le shirk il répond. الجواب هذا من الشرك الأكبر لا يستطيعون أن يدعوا له ولا يشفعوا له كلهم مرتهنون بأعمالهم والدعاء والشفاعة تكون في حياته ولهذا لما استسقى عمر بالصحابة لم يستسق بالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم وإنما استسقوا بالعباس ويزيد بن الأسود وبالدعاء ولو كان هذا شرعي لاستقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ادعوا لنا يا رسول الله. Donc la réponse à cette question, le cheikh dit, si tu demandes à un mort de faire des doigts pour toi ou tu demandes à un mort d'intercéder pour toi, ça c'est du shirk akbar. C'est pas seulement une bid'a, hein, c'est un shirk akbar, une forme de shirk majeur. Parce qu'ils ne sont pas capables d'invoquer pour toi, ni d'intercéder pour toi lorsqu'ils sont morts. Eux, ils sont maintenant pris en otage par leurs œuvres. C'est-à-dire, du moment qu'ils sont morts, c'est-à-dire, ils sont pris en otage eux-mêmes par leurs œuvres, par les actions qu'ils ont faites. Et ensuite, il dit, l'invocation et l'intercession, ça c'est durant leur vie, quand ils étaient vivants. On pouvait leur demander durant leur vie d'intercéder pour nous ou de faire des doigts pour nous. Mais lorsqu'ils sont morts, on ne peut plus leur demander et ils ne peuvent plus faire rien pour nous. C'est pour cette raison-là que lorsque Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il avait besoin de faire al-istisqa, hein, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour la pluie, eh bien, il n'a pas demandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la pluie tombe. Hein? Et il n'a pas demandé l'intercession, il n'a pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder pour eux après sa mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir l'oncle du prophète, Al-Abbas, et il est allé voir dans une autre occasion. C'était Yazid ibn al-Aswad et c'est eux qui ont fait les du'as et c'est à eux qu'ils ont demandé de faire la demande de la pluie et par l'invocation également. Donc si c'était légiféré dans l'islam de faire la demande de la pluie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam même après sa mort, alors Omar ibn al-Khattab n'aurait pas demandé à des gens qui sont vivants, il n'aurait pas laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, il aurait dit directement au messager d'Allah, demande pour nous, invoque pour nous. Hein? Donc ça c'est un exemple, hein, comment on répond à ces questions-là. Une autre question qui a été posée au cheikh, Soual, ya cheikh, Sidi Abdel Qadir al-Jilani, هذا الذي ذكره شيخ الإسلام كان في أي سنة؟ الجواب أظنه في القرن السادس. ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الشيخ عبد القادر شيء؟ الجواب من العلماء له أغلاط وله أخطاء مثل غيره، نسأل الله أن يوفق الجميع. المقصود أن من أهم الأمور في حق المؤمن أن يطلب العلم وأن يتفقه في الدين. Donc le cheikh il dit, on lui pose la question au cheikh à propos de Sidi Abdul Qadir al-Jilani, celui que Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné. Il était en quelle année? La réponse, ou bien il ne parle pas d'Ibn Taymiyyah, il parle peut-être du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, celui qu'il a mentionné, parce que dans le texte il a parlé de ceux qui appelaient ou invoquaient Abdul Qadir al-Jilani. Donc celui dont il a parlé, dans quel siècle il est né, ou à quelle année il est né, et le cheikh il répond, il dit je crois que c'était dans le 6e siècle. Et ensuite, une autre question, il dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a rien mentionné à propos de Abdul Qadir. Et Cheikh Ibn Baz il répond, il dit il fait partie des ulama, il a des erreurs et des fautes comme d'autres que lui, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner le succès à tous. Ensuite le cheikh il commence à faire un petit rappel sur l'importance de la science et de chercher la science. Donc il dit المقصود من أهم الأمور في حق المؤمن أن يطلب العلم وأن يتفقه في الدين وإذا يسر الله له الدروس في العشاء أو في العصر أو في أي وقت فمن نعم الله العظيمة فليحضرها ويستمع ويستفيد ويسأل والله عز وجل يقول في كتابه العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فأولو العلم هم الذين عرفوا الله وعرفوا حقه وعرفوا دينه والعلم لا يحصل إلا بالتعلم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة لا تكون إلا بالعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Donc le cheikh il répond ici, le but c'est d'expliquer que parmi les choses les plus importantes pour le croyant, c'est qu'il recherche la science et qu'il cherche la compréhension de la religion. Et si Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite les cours après l'Isha ou après l'Asr ou à n'importe quel autre moment, alors ça fait partie des grandes grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que cette personne-là assiste et qu'elle écoute et qu'elle profite et qu'elle pose des questions. Et Allah azza wa jal il dit dans son livre, dans son grand livre, le verset 18 dans sourate Al-Imran, que Allah est témoin ainsi que Allah a témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, ainsi que ses anges et ceux qui détiennent la science. Donc ceux qui détiennent la science, ce sont ceux qui ont connu Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont connu le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont connu sa religion. Et la science ne peut être obtenue que par l'étude et l'apprentissage. Il mentionne ensuite le verset 56 dans Surat al-Zariyat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Et l'adoration ne peut être que par la science. C'est-à-dire tu ne peux pas adorer Allah sans la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui emprunte un chemin dans lequel il obtiendra la science, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera par ce chemin un chemin vers le paradis. » Et il mentionne un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui Allah lui veut du bien, il lui facilite, il lui donne la compréhension de la religion. » Celui à qui Allah lui veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Le cheikh dit ensuite « فَاتَّفَقُّهْ فِي الدِّينِ » هو طريق العبادة وهو طريق السعادة وهو طريق معرفة ما يحبه الله وما يكرهه الله وما أوجبه الله وما نهى الله عنه فكل مكلف من جن وإنس يلزمه التعلم والتفقه في كل ما لا يسعه جهله حتى يعرف ما خلق له من طاعة الله وما نهى عنه من معاصي الله وحتى يعبد الله على بصيرة. Donc le cheikh il dit que d'avoir la compréhension de la religion, c'est la voie de l'adoration et c'est la voie du bonheur et c'est la voie de la connaissance de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et de ce qu'il déteste, et de ce qu'il a rendu obligatoire et de ce qu'il a interdit. Donc toute personne qui atteint l'âge de responsabilité et de compréhension et de conscience, qu'il soit un djinn ou qu'il soit un être humain, il est obligatoire pour lui, il s'impose à cette personne d'étudier et d'apprendre sa religion et de connaître et d'apprendre et de connaître tout ce qu'il n'a pas le droit d'ignorer. Hatta ya'rifa ma khuliqa lah, pour qu'il puisse savoir la chose pour laquelle ou le but pour lequel il a été créé. Comme parmi les différentes formes d'obéissance d'Allah et la connaissance de ce que Allah lui a interdit parmi les péchés et la désobéissance d'Allah, et pour qu'il puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec compréhension. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Le Cheikh il dit: هذا واجب على جميع المكلفين من الجن والإنس من الرجال والنساء أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا وذلك عن طريق القرآن بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته والسؤال عما أشكل ومن طريق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه ومن طريق ما يقع من الخطب في الجمع والدروس في المساجد والمواعظ والمحاضرات هذه هي الطرق التي يعلم بها الدين ويعرف بها ما شرع الله وما أمر الله. الشيخ الزي ساسي qu'est-ce qui est obligatoire pour toute personne qui est responsable, qui a atteint un âge de compréhension et de responsabilité parmi les djinns et parmi les hommes, parmi les djinns et parmi les humains, parmi les hommes et les femmes. Ils doivent tous apprendre leur religion et chercher la compréhension de leur religion. Et ça se fait par le chemin de la lecture du Coran avec méditation, c'est-à-dire que tu lis le Coran et tu essaies de le comprendre, tu essaies de réfléchir sur sa signification et tu le récites constamment et régulièrement, et tu demandes des questions au sujet de ce que tu ne comprends pas dans le Coran. Et également, ça se fait par la voie de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et la lecture de ses hadiths. Et également, ça se fait par la voie des discours de la prière du vendredi, lorsque tu vas écouter l'imam dans les discours du vendredi et dans les cours, dans les mosquées qui se donnent, de même que les exhortations et les conférences. Toutes ces méthodes, toutes ces techniques sont des moyens pour obtenir la compréhension et la science de la religion, et dans le but de connaître ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et légiféré et ordonné. Le Cheikh il dit ensuite: فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ حَتَّى يَعْلَمُوا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وما حرم الله عليهم وأعظم ذلك وأيسره وأسأله العناية بالقرآن. يستطيع يقرأ القرآن في بيته ويتدبر ويتعقل، وكذلك يسمع إلى إذاعة القرآن فيها قراء مجيدون، فيها مواعظ. إذاعة القرآن فيها خير كثير عظيم، فيها مواعظ وفيها محاضرات وقراءة القرآن والتفسير ونور على الدرب في الساعة التاسعة والنصف ليلا خير عظيم. الشيخ il dit qu'il est obligatoire à toute personne qui atteint l'âge de conscience, de responsabilité, il doit faire des efforts pour apprendre et pour comprendre ce que Allah a rendu obligatoire pour lui et ce qu'il a interdit, ce qu'il lui a interdit. Et parmi les choses encore plus grandes et plus faciles encore, il y a par exemple le fait de se préoccuper et de s'attacher au Coran. Et toute personne est capable de lire le Coran dans sa maison et de réfléchir sur sa signification. De même que la personne peut écouter la radio, la station Ida'atul Qur'an en Arabie Saoudite, et dans cette station de radio il y a des récitateurs qui récitent très bien et il y a aussi des exhortations. Et Ida'atul Qur'an, cette station de radio, il y a dedans un grand bien, et il y a des exhortations, des conférences, de la récitation du Qur'an et de l'explication du Qur'an, de tafsir. Et il y a également l'émission Nourun ala Darb qui passe à 9h30 le soir, et il y a dans cette émission un grand bien. C'est une émission où les ulama assistent et on leur pose des questions sur toutes sortes de sujets, de questions sur différentes choses, et eux ils répondent directement. Donc ça c'est une émission très très intéressante aussi. Après le cheikh il dit فيجب على أهل العلم ويجب على العام أن يتعلموا الرجال والنساء الجن والإنس الجن خلقوا لها والإنس خلقوا لهذا الجن خلقوا لهذا والإنس خلقوا لهذا فعلى الإنس والجن جميعا أن يتعلموا ويتفقهوا في الدين وأن لا يتساهلوا في هذا الأمر سواء كانوا رجالا أو نساء سواء كانوا معذورين أو غير معذورين من جهة الأمراض وغيرها فالمعذور الذي لا يحضر الدروس في المساجد يسمع إذاعة القرآن يسأل بالهاتف ويكتب إلى العلماء ويقول أشكل علي كذا والآن يسر الله الهاتف فهو نعمة من الله ويسأل عن طريق الهاتف ويسأل عن طريق المكاتبة يوصي ثقة يقول أسأل فلان عما أشكل علي من كذا وكذا وأيضا المرأة كذلك توصي أو تسأل بالهاتف أو تكتب والأمور بحمد الله ميسرة ولكن المصيبة الإعراض والغفلة وعدم المبالاة هذه المصيبة نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit, il est obligatoire à tous, à toute personne, il dit aux hommes de science et aux gens du commun, de chercher à apprendre, qu'ils soient des hommes ou des femmes, des djinns ou des humains. Les djinns ont été créés pour cela et les hommes ont été créés pour cela. Alors les hommes et les djinns tous doivent apprendre et chercher la compréhension de la religion, et ils ne doivent pas prendre ça à la légère et négliger cette chose, qu'ils soient des hommes ou des femmes, peu importe qu'ils soient excusés ou non à cause des maladies ou des choses de ce genre. C'est-à-dire qu'ils soient excusés de se présenter dans les cours ou non. La personne qui est excusée de ne pas assister au cours à la mosquée, il peut écouter la radio et écouter les dourous qui se donnent à la radio. Ou il peut téléphoner pour poser la question par téléphone. Ou il peut écrire aux ulama et leur demander sur les questions des choses qui leur causent des problèmes ou qui est compliqué pour eux. Et le cheikh il dit qu'aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité par le téléphone, et ça c'est une grande grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande par téléphone ou il demande par écrit, ou bien il donne la charge à quelqu'un qui est de confiance et qui est fiable, pour que cette personne pose la question pour elle à propos de ce qu'il a comme difficulté à comprendre dans la religion. De même que la femme également, elle peut demander à quelqu'un de poser la question pour elle, ou bien elle peut elle-même demander la question par téléphone ou par écrit. Donc les choses sont facilitées à notre époque, et le problème, malheureusement, le malheur, c'est que beaucoup de personnes se détournent et sont indifférents et insouciants. Et c'est ça le grand malheur. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'était un bon rappel du Cheikh Ibn Baz à propos de l'importance de la quête du savoir et de la science de l'islam. Ensuite, il y a d'autres questions qui ont été posées. La question suivante. بالنسبة لدعوة القبوريين هناك ناس يخالفون ويقولون نحن ندعوهم إلى الله عز وجل ومع ذلك يطوفون معهم فهل هذه الطريقة صحيحة وهل منهجهم صحيح؟ On a posé la question au Cheikh à propos de la da'wa de ceux qui sont en train d'adorer les tombes. Lorsqu'on veut appeler des gens qui sont adorateurs de tombes, il y a des gens qui qui ne sont pas d'accord avec eux, hein, qui ne sont pas d'accord avec eux dans l'adoration des tombes, et ils disent, nous, on les appelle à Allah, et malgré ça, ils vont et ils tournent autour des tombes avec eux. Ils font le tawaf autour des tombes avec eux. Est-ce que cette méthode, elle est bonne? Est-ce que leur méthodologie, elle est correcte? Et le cheikh, il répond, إذا جلس بينهم يعلمهم مثل ما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين ويعلمهم إذا جلس للتعليم ما يأخذهم أصدقاء إذا جلس معهم وبقي معهم وخالطهم أو حاضر فيهم يدعوهم هذا الواجب عليه نعم من هؤلاء من يطوف معهم من هؤلاء من يطوف معهم الجواب لماذا يطوف معهم لا يطوف معهم هذا غلط لا يطوف بالقبور ولكن يعلمهم ويرشدهم ويقول هذا منكر وأنه إذا طفت تقربا إلى صاحب القبر هذا شرك أكبر وأن هذه عقيدة المشركين يطوفون ويطوفون يتقربون لصاحب القبر هذا معروف عنهم Non. Donc, ils ont posé la question au cheikh à propos de ceux qui disent qu'ils veulent appeler les gens qui adorent les tombes à Allah, puis ils font ça en faisant le tawaf autour des tombes avec eux. Est-ce que cette méthode-là, elle est correcte? Et en fait, ils parlent de jama'at tablir, comme on va voir plus tard. La question, donc la réponse du cheikh à ce sujet-là, c'est non, il peut, s'il s'assoit parmi eux et il leur apprend, c'est-à-dire il leur enseigne, il s'assoit avec eux et il leur explique, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoyait avec les mouchriquines et il leur enseignait. Hein, donc s'il s'assoit avec eux pour leur enseigner, il ne les prend pas pour amis. Hein, il s'assoit avec eux, il reste avec eux, il se mélange avec eux ou il est présent à leur endroit. Il les appelle, ça c'est ce qui est obligatoire. Et la question ensuite c'est, parmi ceux-là, il y en a qui font le tawaf avec eux. Et le cheikh il répond, il dit, pourquoi ils font le tawaf avec eux? Non, tu fais pas le tawaf avec eux, ça c'est une erreur. Hein? On doit pas faire le tawaf autour des tombes et tourner autour des tombes. Mais on leur apprend, on les oriente, hein? On dit ça c'est quelque chose de mauvais. Si tu fais le tawaf en te rapprochant de la personne qui est dans la tombe, eh bien ça c'est une forme de shirk majeur. Hein? Et ça c'est la aqida des mushrikin qui font le tawaf et qui cherchent à se rapprocher de la personne dans la tombe. Et ça c'est connu à leur sujet. Ensuite il y a une autre question. من يفعل ذلك يقول أن منهجهم الترغيب طوافه معهم دعوة للشرك. Donc la question, ensuite, il y en a qui font ça, c'est-à-dire ils font le tawaf avec eux, et ils disent que leur méthodologie, c'est par l'encouragement, l'incitation à faire le bien. Et donc ils vont avec eux, ils font la même chose qu'eux, puis après ça, ils essaient de les amener à l'islam. Donc le cheikh, il dit, le fait qu'ils fassent le tawaf avec eux, ça, c'est une da'wah qu'ils font pour le shirk. C'est comme s'ils appelaient au shirk en faisant ça. Et le shaykh, on lui pose la question, « Ya shaykh, مثل بعض الدعاة التبليغ في الهند وباكستان يقولون هذا. » Il y en a des gens en Inde et au Pakistan, parmi les gens de tablir, hein, qui font ce genre de choses, ils disent ce genre de choses. C'est-à-dire, ils vont avec ceux qui font le tawaf, ils font le tawaf avec eux pour soi-disant les appeler à l'islam et à appliquer la religion. La réponse, le cheikh il dit, مَا بَلَغَنِي عَنْهُمْ أَنَّهُمْ يَطُوفُونَ مَعَهُمْ بِالْقُبُورِ وَلَكِنْ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَهُوَ ضَالٌ مُضِلٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ. Donc le cheikh il répond, il dit, on ne m'a pas transmis cela à leur sujet qu'ils faisaient le tawaf avec eux autour des tombeaux. Mais celui qui fait ça, c'est un égaré et un égareur. Na'ouzou billah. Le cheikh il dit, من نشأ ببادئة أو بيئة جاهلية. Il demande la question au sujet de celui qui a grandi dans dans un endroit loin de la ville, comme dans les déserts ou dans la brousse, ou dans un environnement qui est rempli d'ignorance, de jahiliya. Les gens n'ont pas appris, ils n'ont pas entendu parler du Coran et de la Sunna ou de l'islam correctement, ils ne connaissent pas nécessairement la religion. Le cheikh, il répond, il dit « Yu'allam anna hadha shirkun akbar hatta yatoub. يقال له هذا شرك أكبر عليك بالتوبة إلى الله. Donc le cheikh il dit, on doit apprendre à ce genre de personne que ça c'est du shirk majeur jusqu'à ce qu'il se repente. On lui dit ça c'est du shirk majeur. Repens-toi à Allah. مثل ما كان المشركون يطوفون بالقبور ونصبوا عند الكعبة 300 صنم. وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم فالذي أجاب وهداه الله الحمد لله والذي ما أجاب مشرك هذا وأغلبهم جهال خرجوا إلى بدر جهال وإلى أحد جهال تابعوا رؤساؤهم قال الله جل وعلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ومع هذا حكم عليهم بالكفر. Donc le cheikh il dit, c'est la même chose que qu'est-ce que faisaient les mushrikoun qui faisaient le tawaf autour des tombeaux, et ils ont placé autour de la Kaaba 300 idoles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés et les a orientés à l'islam, Celui d'entre eux qui répond à l'appel, alhamdulillah, Allah l'a guidé, donc alhamdulillah. Et celui qui ne répond pas à l'appel, c'est un mushrik. Et la plupart d'entre eux sont des ignorants. La plupart qui sont sortis avec les mushrikines contre les musulmans à Badr, la plupart d'entre eux, ce sont des ignorants. Et la plupart de ceux qui sont sortis à Badr avec les mouchriquines pour combattre les musulmans, c'était des ignorants aussi. Et ceux qui étaient partis à Uhud pour combattre les musulmans avec les mouchriquines, eux aussi c'était des ignorants. Et ils ont suivi leur tête, leur chef. La plupart des koufars, c'est des ignorants. Même chez les juifs et les chrétiens, chez les hindous, les bouddhistes, la plupart d'entre eux, c'est des ignorants. Hein? Ils font juste suivre leurs prêtres, leurs moines, leurs rabbins, leurs chefs. Hein? Ils sont ignorants, mais ils les suivent dans le shirk. Et le shirk, il cite le verset 44 dans Surat al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que tu penses que la plupart d'entre eux entendent ou réfléchit, ou raisonne, ils ne sont que comme des animaux, comme des bestiaux, même qu'ils sont plus égarés encore du chemin. C'est-à-dire, ils sont comme des bestiaux, comme des animaux, ils ne réfléchissent pas. Pourquoi ils sont créés, pourquoi ils font qu'est-ce qu'ils font, ils ne se posent pas de questions. Ils vivent leur vie tous les jours, quotidien, comme le... Ils se lèvent le matin, ils mangent, ils dorment. Le soir, il se relève le lendemain, il mange, il dort le soir, et il ne se pose jamais la question, mais pourquoi j'existe, pourquoi je vis, hein, pourquoi je fais qu'est-ce que je fais, pourquoi je prie à des statues, pourquoi je prie à des idoles. Il ne se pose pas la question, c'est des gens comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous les a décrits de cette manière-là. La plupart d'entre eux, ils ne réfléchissent pas, ils ne se posent pas de questions. Hein? Ils font qu'est-ce que leur chef ou la société leur ordonne de faire et ils suivent comme des moutons. C'est ça la plupart d'entre eux. Et le cheikh il dit en terminant, il dit, et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a jugé que ce sont des gens qui sont dans le kufr, malgré l'ignorance. Donc l'ignorance ici, c'est pas quelque chose qui empêche qu'on dise de ces mouchriquines là que ce sont des gens qui sont dans le kufr. Donc c'est ça que le cheikh explique ici. Parce qu'il y a des gens qui vont dire par exemple, non, les chrétiens c'est pas des koufars parce qu'ils sont ignorants. Les juifs c'est pas des koufars parce que c'est des ignorants. Hein? Les bouddhistes, c'est pas des kuffars parce que c'est des ignorants. Les gens qui adorent les tombes, c'est pas des kuffars parce que c'est des ignorants. Donc, à la base, ce sont tous des ignorants, mais malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala les avait décrits comme étant des kuffars et des mushrikins. Donc, c'est ça le raisonnement que le cheikh essaie de mentionner. سؤال ما ذكره الشيخ التويجري في جماعة التبليغ c'est-à-dire il pose on a posé la question qu'est-ce à propos de ce que le cheikh Hamoud التويجري a mentionné au sujet de جماعة التبليغ et le cheikh il répond il dit من عرف منهم حجة من عرف منهم حجة على من لم يعرف ومن علم منهم يكون حجة. Donc le cheikh Ibn Baz il répond, il dit celui qui a su, il est une preuve sur celui qui n'a pas eu la connaissance, ou celui qui ne sait pas. Celui qui sait est une preuve contre celui qui n'a pas de connaissance. Celui qui sait est une preuve. Donc c'est-à-dire que cheikh Hamoud al-Touajri, il a écrit un livre sur Jama'at Tablir. Il a mentionné leurs égarements et leurs fausses croyances, leurs fausses pratiques, leurs bid'a. Hein? Et donc, lui, il s'est basé sur des connaissances qu'il avait à propos de Jama'at Tablir. Et donc, étant donné qu'il avait plus de connaissances sur eux que d'autres, eh bien, ce qu'il a dit, c'est une preuve par rapport à celui qui est ignorant à leur sujet. Ou qu'il y a des informations à leur sujet, mais qui ne sont pas complètes. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Ils se basent sur des connaissances limitées ou incomplètes. Et puis après, Cheikh Hamoud al-Touajri, c'est un exemple parmi les ulama qui ont mentionné les égarements de Jama'at al-Tablir dans un livre qu'il a écrit à leur sujet. Et il y a d'autres ulama aussi qui ont parlé. Cheikh Ibn Baz, au début, on lui avait donné des informations à propos de Jama'at Tablir et on leur avait mentionné du bien. Et donc, il disait certaines choses de bien par rapport à eux. Hein, quand on lui posait la question à propos de Jama'at Tablir au début, c'est ce qu'il disait, certaines qui sont du bien, puis qu'il faut les encourager, et ainsi de suite. Puis, après, par la suite, il a dit, mais la plupart d'entre eux, ce sont des ignorants et ils ne connaissent pas la Aqida. Donc, personne ne doit sortir avec eux, excepté les gens qui ont de la science. Les gens qui ont de la science pour leur enseigner. Et puis, par la suite, il a dit, quand on lui a posé la question à propos de Jama'at al-Tablir et des Ikhwan, à la fin, avant de mourir, il a dit qu'ils font partie des 72 sectes d'égarement qui sont menacés de l'enfer. Donc, c'est pour dire que le cheikh, il avait répondu selon la science et selon la science qu'il possédait à l'époque. Et il y a le cheikh Falah Ismail qui a expliqué une histoire à ce sujet-là à propos de, je pense, de cheikh Mohamed Aman Al-Jami et d'autres chouyour. C'est qu'il y avait une visite qui avait été organisée par certains ulama pour visiter le centre de Jama'at Tablir. Et étant donné que c'était une visite organisée, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont, préparé tout pour la visite de ces chouyouks-là, pour leur montrer la meilleure image. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé des durous dans Sahih al-Bukhari, dans la mosquée, et ils ont montré toutes des bonnes choses de qu'est-ce qu'ils font, comme si pour montrer qu'ils sont sur la sunna. Hein? Et donc, quand ils sont arrivés là-bas, les chouyours ont vu des bonnes choses. Alors, quand ils sont retournés, ils ont fait un bon rapport sur Jama'at al-Tablir et ils ont mentionné ce qu'ils ont vu. Donc, ça, c'était organisé, c'était arrangé. La personne qui part là-bas et qu'il ne va pas comme faire une visite officielle, il va aller sans être invité ou sans prévenir, il va voir une autre réalité parce qu'ils ne vont pas savoir justement, ils ne vont pas se préparer. Et c'est ça ce qui est arrivé par la suite. Alhamdoulilah, il y a d'autres chouyours qui sont partis, qui n'étaient pas invités de cette façon-là. et ils ont vu la réalité de ce qui se passait chez ces gens-là. Et également, il y en a aussi qui faisaient partie de Jama'at al-Tablir et qui étaient même parmi les gens qui étaient élevés dans ce groupe, hein, qui avaient même donné une bay'a, hein, parce qu'ils ont une bay'a. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont quitté ce groupe par la suite, ils ont vu leurs égarements et ils ont écrit des livres et des rapports pour clarifier la réalité de ce groupe et qu'est-ce qu'il y a comme égarement et comme ignorance dedans. Et donc par la suite, les ulama comme Cheikh Ibn Baz et d'autres ont connu la réalité de qu'est-ce qui était dans ces jama'at. Et c'est là qu'ils ont averti les musulmans, mis en garde les musulmans contre ce genre de groupe d'égarement. Donc c'est très important de comprendre ça, parce que eux, ils vont Jama'at al-Tablir, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils ont publié des livres. Et dans ces livres-là, ils mettent toutes les anciennes fatwas des ulamas où on mentionnait du bien à leur sujet. Et puis ils diffusent ça aux gens gratuitement. Ils donnent ça aux gens maintenant dans leur centre et dans leur mosquée pour créer des choubouhats aux gens, pour leur faire croire que les ulama disent du bien d'eux, alors que ce sont des paroles anciennes, hein, qui ont été réfutées par eux-mêmes, par les ulama même qui sont mentionnés dans ce genre de livre. Donc on lui a posé une autre question ensuite. يا شيخ بالنسبة لأهل المخدرات وأهل الخمور مثلا الدخول معهم في أماكنهم أحسن الله إليكم. الجواب: المقصود إذا كان وقف نفسه للدعوة وليس يتخذهم أصدقاء وأحباب يأكل ويشرب معهم يكون راضيا لكن يقف عليهم يدعوهم هذا لا يجوز هذا محرم. يواعدهم في مكان معين ينصحهم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ المشركين ويتكلم معهم مثل ما صعد الصفا ودعاهم إلى الله عز وجل. Donc le cheikh, il dit, on lui a posé la question à propos des gens qui prennent de la drogue ou de l'alcool par exemple, est-ce que c'est permis de rentrer là où ils sont, à l'endroit où ils sont, pour leur faire la da'wah ou des choses comme ça. Et le cheikh, il répond, il dit, yani, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne, si elle vient puis elle leur fait la da'wah, elle ne doit pas les prendre comme devenir amie avec eux comme ça, puis commencer à s'asseoir avec eux, manger, boire et être satisfait de ce qu'ils font. Non, tu viens, tu te tiens, tu les appelles, hein, parce que si tu vas aller t'asseoir avec eux, manger, rester avec eux comme si tu es satisfait de ce qu'ils font, ça c'est pas permis, ça c'est haram. Mais tu leur donnes un rendez-vous à un endroit spécifique, puis tu leur donnes la nasiha comme le professeur Sam faisait lorsqu'il faisait l'exhortation aux mushrikin. Il leur parlait lorsqu'il est monté par exemple sur As-Safa, il a commencé à les appeler à Allah, et bien ça c'est un exemple. Après, une autre question. بعضهم يكون في حالة سكر لما أنصحهم في مكان. Donc il dit, certains d'entre eux, peut-être ils vont être ivres lorsque je vais leur parler dans un endroit spécifique. Le cheikh, il répond, il dit, « Ala kulli hal, yaraw al-awqat al-munasiba, yaqulu lahum, maw'idukum fil makan al-fulani, tahdurun lid-da'wa, wa iza kanu sadiqin, yahdurun. » Donc le cheikh, il dit, de toute façon, il voit les moments les plus qui conviennent le mieux, et il leur donne un rendez-vous à tel ou tel endroit pour qu'ils assistent, pour qu'ils puissent venir pour la da'wa, et s'ils sont sincères, ils vont se présenter. الداعي إذا أراد أن ينصح هل يسمح بالمنكر أمامه؟ الجواب لا ينكر عليه. Donc la personne qui fait la question, c'est la personne qui fait la da'wah, si elle veut yani être donner la nasiha, est-ce qu'il peut permettre qu'on fasse le munkar, qu'on fasse le péché devant lui? Le cheikh, il répond, il dit non, il n'accepte pas, il ne doit pas accepter qu'on fasse le péché devant lui, il doit condamner ce péché-là. La question suivante, at-tawaf bil-ka'ba, لما كان المشركون يطوفون بها كانوا يقصدون الأصنام 360 صنما أو ماذا كانوا يقصدون؟ الجواب ما أدري والله، هم يعبدونهم للتقرب إليهم، أما الطواف الله أعلم، لكن هم ما نصبوها إلا ليتقربوا إليها ويتشفعون بها. Donc on a posé la question au Cheikh au sujet du tawaf qu'ils faisaient autour de la Kaaba, les mushrikoun. Il dit, est-ce que lorsqu'ils faisaient le tawaf autour des tombes, est-ce qu'ils avaient comme intention les 300 idoles qui étaient autour, les 360 idoles qui étaient autour, ou bien c'était pas ça leur intention? Et le cheikh, il répond, il dit, je sais pas, par Allah, je sais pas. Mais ils les adoraient et chercher à se rapprocher de ses idoles. En ce qui concerne le tawaf, Allahu a'lam, mais ils les ont installés là, les idoles, uniquement pour se rapprocher par celles-ci et pour demander l'intercession. Une autre question ensuite, c'est مثل دعات القبور لو أرسلنا إليهم أشرطة كتيبات عن التوحيد. الجواب هذا ينفع هذا من سبل الدعوة. Quelqu'un a posé la question par rapport aux gens qui adorent les tombes, qui appellent à l'adoration des tombes. Il dit, si on leur envoyait des cassettes audio et des petits livres sur le tawhid, le cheikh, il répond, il dit, ça c'est quelque chose de bénéfique et ça fait partie des moyens de faire la da'wa. Et une autre question, as-su'al ya cheikh, qawluhu ta'ala innahum anis-sam'i lama'zulun, hal al-maqsud biha al-ins? Il mentionne un verset qui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ils ont été écartés de l'écoute. Est-ce qu'on parle des êtres humains ici? Et le cheikh il répond, il dit al-maqsud biha al-jinn bihadha al-jinn alladhina yastasriquna as-sam' 'an al-mala'i al-a'la. Il dit on parle ici dans ce verset des djinns qui essaient de voler des choses qu'ils entendent des scribes, des anges qui écrivent. Donc ils essaient de voler des informations qu'ils écoutent. Donc ils ont été éloignés de cette écoute-là. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ça c'est pour les questions et réponses. Il y en avait beaucoup aujourd'hui. Donc maintenant on va lire le texte, inshallah, de Kashf al-Shubuhat. Et on va lire la quatrième Shubha dans le livre. الشيخ يزي واعلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يزي واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. donc le cheikh il dit sache que ces trois shubha c'est les plus grandes shubha qu'ils ont. Donc si tu as compris que Allah subhanahu wa ta'ala les a clarifiés dans son livre et que tu as compris ça de façon claire et bien que tu les as bien compris, sache que ce qui vient par la suite est encore plus facile à comprendre. Donc la shubha c'est la suivante, la quatrième shubha. فَإِنْ قَالَ أَنَا لَا أَعْبُدُ إِلَّا اللَّهِ وَهَذَا الْإِلْتِجَاءِ إِلَى الصَّالِحِينَ وَدُعَاؤُهُمْ لَيْسَ بِعِبَادَ. Donc c'est ça leur shubha. C'est-à-dire, ils nient que, ils nient l'adoration des hommes pieux. Et que, ils nient que ce qu'ils font pour les hommes pieux, c'est une adoration. Malgré qu'ils les invoquent et qu'ils égorgent des animaux pour eux, ils sacrifient pour eux. Donc, ils disent, par exemple, et si, le cheikh, il dit, moi je n'adore que Allah. Et le fait que je demande le refuge aux hommes pieux et que je les invoque, ça c'est pas de l'adoration. Le cheikh dit فَقُلْ لَهُ أَنْتَ تُقِرُّ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكَ إِخْلَاصَ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقُلْ لَهُ بَيِّنْ لِي هَذَا الَّذِي فَرَضَهُ عَلَيْكَ وَهُوَ إِخْلَاصُ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَهُوَ حَقُّهُ عَلَيْكَ. Donc, si, dis-lui, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu approuves que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou t'a rendu obligatoire pour toi que tu l'adores avec pureté et avec sincérité, c'est-à-dire que tu lui voues une adoration qui est exclusive. Si il dit oui, alors dis-lui, alors explique-moi, tu lui demandes de t'expliquer, tu dis alors explique-moi ce que Allah a rendu obligatoire pour toi, c'est-à-dire explique-moi qu'est-ce que signifie de purifier l'adoration et de la rendre à Allah, de la rendre exclusive pour Allah seul. Et explique-moi quel est son droit sur toi, c'est-à-dire quel est le droit d'Allah sur toi. Le cheikh dit ensuite, فَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ الْعِبَادَ وَلَا أَنْوَعَهَا فَبَيَّنْهَا لَهُ بِقَوْلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فَإِذَا أَعْلَمْتَهُ بِهَا فَإِذَا أَعْلَمْتَهُ بِهَا فَقُلْ لَهُ هَلْ عَلِمْتَ هَذِهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ نَعَمْ وَالدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. Donc le cheikh ensuite il dit, si il te dit, si tu vois qu'il ne sait pas ce qu'est l'adoration et il ne connaît pas non plus les différentes catégories de l'adoration, alors explique-lui qu'est-ce que l'adoration en mentionnant le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbu al-mu'tadin. C'est le verset 55 dans sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Hein? » Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, et avec discrétion. Donc, si tu lui as expliqué qu'est-ce que c'est l'adoration, que c'est de faire les doigts, de faire des différentes formes d'adoration, toutes les différentes formes d'adoration qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, tu lui as expliqué ça, alors tu lui dis, est-ce que tu sais que de faire les doigts et d'invoquer Allah de cette façon, que ça c'est une adoration? Alors il faut absolument qu'il te réponde oui, parce que le doigt c'est le cœur de l'adoration, c'est le centre même de l'adoration. Ad-du'a ou al-ibad, l'invocation c'est l'adoration. Et dans le cheikh il dit que c'est dans la parole qu'il mentionne, qui c'est tiré d'un hadith qui est pas authentique, mais sa signification elle est vraie, c'est que l'adoration c'est le centre, le du'a, l'invocation c'est le centre de l'adoration, ou la pulpe de l'adoration si tu veux. Et il y a une autre narration qui est authentique qui dit Ad-du'a huwa al-ibada. Le du'a, c'est l'adoration. Donc c'est pour dire que s'il dit que l'invocation, c'est de faire des invocations pour les hommes pieux, c'est pas une adoration, tu lui mentionnes qu'est-ce que c'est l'adoration et tu lui mentionnes ce verset-là, tu lui expliques. Tu dis, si tu ça, est-ce que c'est pas une adoration? Il faut qu'il dise oui. Le cheikh dit ensuite Faqul lahu إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره فلا بد أن يقول نعم فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هذا عبادة فلا بد أن يقول نعم فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. فقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. Donc la suite, c'est comme si le cheikh il argumente avec eux, il leur mentionne pour leur montrer ce qu'ils disent c'est une contradiction, pour leur montrer que l'adoration, qu'est-ce que c'est l'adoration, pour qu'ils voient eux par eux-mêmes leur contradiction. Donc il dit, donc si tu as su que c'est une adoration et que tu invoques, tu as su que l'invocation c'est une adoration, tu es d'accord avec ça, et que tu invoques Allah nuit et jour par crainte et par espoir, puis que par la suite tu invoques pour avoir un besoin quelconque un prophète ou autre, est-ce que dans ce cas-là tu as associé avec Allah dans son adoration, est-ce que tu as associé avec Allah autre que lui dans l'adoration? Il faut absolument qu'il te réponde oui. Et tu lui dis ensuite, et si tu as su que Allah a dit dans le verset 2 dans Surat Al-Kawthar, et prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui, immole pour lui, et que tu obéis à cet ordre d'Allah et que tu vas immoler ou sacrifier un animal, est-ce que ça c'est une adoration que tu as fait? Et il faut absolument qu'il te réponde oui. Alors dis-lui, et si tu as égorgé un animal ou sacrifié un animal pour une créature, un prophète ou un djinn ou autre, est-ce que dans ce cas-là tu as associé avec Allah dans son adoration autre que Allah? Tu as associé d'autres que Allah avec Allah dans l'adoration? Il faut absolument qu'il te réponde oui. Alors tu lui dis également, et les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux sur qui le Coran a été révélé, c'est-à-dire ceux au sujet de qui le Coran a été révélé, Allah a parlé dedans le Coran, est-ce qu'ils adoraient les anges? N'est-ce pas qu'ils adoraient les anges et les hommes pieux et Allah et d'autres également? Il faut absolument qu'ils répondent oui. Alors dis-lui, est-ce que leur adoration pour ces différentes créatures était autre que l'invocation, le sacrifice et la recherche de chercher le refuge en ces créatures-là, et ainsi de suite? Parce que sinon, eux, ils étaient d'accord, ils acceptaient le fait qu'ils sont des esclaves d'Allah et qu'ils étaient sous l'emprise d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui gère tout et qui contrôle tout dans l'univers. Mais ils les ont invoqués et ils se sont tournés vers ces créatures-là pour demander la protection et le refuge, parce qu'ils ont un statut et parce qu'ils demandent l'intercession. Et ça c'est très très apparent, très clair. Donc c'est ça leurs arguments. Les mêmes arguments que vous, c'est-à-dire vous les gens qui adorez les tombes, que vous présentez. Vous présentez les mêmes arguments que les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant le cheikh Ibn Baz, il va expliquer maintenant qu'est-ce que le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab vient juste de clarifier. Donc il dit بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبي على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. فإذا عرفت أن هذه الشبه الثلاث قد بان بطلانها وهي أكبر ما عندهم، عرفت أن ما بعدها أهون منها، قدم الشبه الثلاث. Donc le cheikh il dit, donc après l'introduction, au nom d'Allah, tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et sur sa famille. Et ensuite, lorsque tu as su que ces trois shubuhat qu'il a mentionnées et qu'il a détruites, hein, qu'il a mentionné la fausseté, qu'il a prouvé la fausseté, sont les trois plus grandes shubuhat qu'ils ont, hein, donc tu as su que par la suite, qu'est-ce qui vient comme shubuhat ensuite sont plus faibles encore, hein, sont plus faibles et encore plus faciles à détruire. Et il mentionne maintenant les trois premières shubuhat. قدم الشبه الثلاث قوله كون المشركون يشركون مع الله في الخلق والرزق وأنا لا أشرك بالله شيئا أعرف أن الله هو الخالق الرزاق بين له أنهم ما أشركوا في الخلق ما أشركوا في الخلق يعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق وكذلك إذا قال إن الشرك هو عبادة الأصنام بينت له أن المشركين عبدوا الأصنام وغير الأصنام فإذا قال أنا لا أعبد الصالحين وإنما أتقرب إليهم ليشفعوا لي فقل هذا قصد المشركين ما عبدوهم لأنهم يخلقون ويرزقون عبدوهم ليشفعوا لهم ويتقربون إليهم ويقربوهم إلى الله هذا هو فنفس ما قلت هو الذي فعلوه. Donc les trois premières shubhat, le cheikh il les résume ici. Il dit, quand il a dit le mushrik, que le fait que les mushrikoun font le shirk avec Allah, c'est dans la création et dans le rizq. Et il dit, moi je ne fais pas le shirk avec Allah, j'associe rien avec Allah, je sais qu'Allah c'est lui le seul créateur et le seul qui donne la subsistance. Là, dans ce cas-là, on leur a répondu, on leur a expliqué que les mouchrikoun n'ont pas fait de shirk dans la création. Hein? Ils savent que Allah était le seul créateur, le seul pourvoyeur. Et on a mentionné les preuves de ça dans le Coran. Ensuite, l'autre shubha, c'est lorsqu'il dit que le shirk, c'est l'adoration des idoles. En voulant dire, moi, j'adore pas des idoles, j'adore, je me rapproche des hommes pieux, je leur demande l'intercession. Donc, c'est pas une idole, c'est un homme pieux. Donc, c'est pas la même chose. C'est un prophète, hein, c'est un ange. Et le cheikh, il dit, eh bien, on leur a répondu à cette shubha en leur disant que les mushrikoun, à l'époque du prophète, ils n'adoraient pas que les idoles. Ils adoraient les idoles, mais ils adoraient aussi autre que les idoles, comme les prophètes, les anges, les djinns, les hommes pieux, ainsi de suite. Donc, c'est la même chose. Et la troisième shubha, فإذا قال أنا لا أعبد الصالحين وإنما أتقرب إليهم ليشفعوا لي. Donc si il te dit par exemple le mushrik, ben moi j'adore pas les hommes pieux, je fais juste me rapprocher d'eux pour qu'ils intercèdent pour moi, hein, pour qu'ils puissent intercéder pour moi. Eh bien tu leur dis, ça c'est exactement la même chose que ce que voulaient les mushrikoun lorsqu'ils adoraient leurs idoles et les hommes pieux et ainsi de suite. Ils ne les adoraient pas comme étant des créateurs ou comme étant quelque chose qui donne la subsistance. Ils les adoraient uniquement pour pouvoir pour qu'ils puissent intercéder pour eux. Hein. Et yani, ils cherchaient donc à se rapprocher yani, d'eux pour qu'eux les rapprochent d'Allah. Hein. C'est de cette façon-là qu'il faisait, et ça c'est exactement la même chose que ce que disaient les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit ensuite, وَقَدْ تَبَيَّنَ بُطْلَنَ هَذِهِ الشُّبْهَ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ مُقِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَلَّاقُ الرَّزَّاقُ وَأَنَّهُ رَبُّهُمْ وَأَنَّ شِرْكَهُمْ كَانَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَّقَرُّبِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ بِالْعِبَادَاتِ وَعَرَفْتَ أَيْضًا أَنَّ شِرْكَ الْمُشْرِكِينَ ما المقصود به عبادة الأصنام منهم من عبد الأصنام ومنهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الأنبياء والصالحين وكذلك عرفت أنهم إنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى وليشفعوا لهم، وهذا نفس قصد الآخرين كما كان قصد الأولين. فإذا عرفت بطلان هذه الشبه الثلاثة أو الثلاث، عرفت أن ما بعدها أيسر منها. Le cheikh dit donc, tu as su la fausseté de ces shubuhat. On a clarifié que les mushrikoun, ils affirmaient que Allah c'est lui le seul créateur, le seul qui donne la subsistance et qu'il est leur seigneur, et que leur shirk n'était pas dans le fait de croire que c'est ce qu'ils adorent en dehors d'Allah peuvent créer ou donner la subsistance ou ainsi de suite, mais c'était dans le fait de se rapprocher à autre que Allah par des formes d'adoration qu'ils leur offrent, hein, qu'ils offraient à ces créatures. Et tu as su également que le shirk des mushrikines n'avait pas pour objectif uniquement les idoles, et que parmi eux il y en a qui adoraient les idoles, mais que ce n'était pas seulement les idoles qu'ils adoraient. Parmi eux il y en a qui adoraient les anges, d'autres qui adoraient les prophètes, et d'autres qui adoraient les hommes pieux. De même que tu as su aussi qu'ils les adoraient uniquement pour qu'ils se rapprochent, pour qu'ils les rapprochent un peu plus d'Allah et pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah. Et ça, c'est le même but que les adorateurs d'idoles et de tombes aujourd'hui ont comme intention lorsqu'ils se rapprochent des hommes pieux. Donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ce que les mushrikoun à l'époque faisaient, c'est la même chose, hein, et l'intention qu'ils avaient, c'est la même intention que les mushrikoun d'aujourd'hui. Ok, donc le cheikh il dit, si tu as compris ces trois shubuhat et que tu as compris comment répondre à ces trois shubuhat, eh bien qu'est-ce qui suit? Eh bien c'est encore plus facile à réfuter. الشيخ يقول ومعلوم أن الأولين يؤمنون بالله وأنه الخلاق الرزاق المدبر للأمور، ومع هذا حكم الله عليهم بالكفر وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم فهكذا من بعدهم. فإذن الشيخ يقول on a su également que les premiers parmi les mushrikoun ils croyaient en Allah et qu'ils croyaient que c'était lui également qui est le seul créateur, le seul qui donne la subsistance et qui contrôle tout ce qui se passe dans l'univers, tout l'univers. Donc malgré ça, Allah les a jugés comme étant dans le kufr, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus pour ça et a rendu leur sang et leur bien licites, hein? Et de même que ceux qui sont venus par la suite parmi les gens qui faisaient le shirk, ils ont été combattus. Donc le cheikh il dit فإذا قال أنا لا أعبد إلا الله فقل له ما معنى العبادة فسر. Donc s'il te dit moi j'adore pas autre que Allah, j'adore que Allah, tu lui demandes c'est quoi l'adoration, explique-moi qu'est-ce que c'est. Parce que la plupart d'entre les gens qui font le shirk aujourd'hui, parmi les gens qui se disent musulmans et qui adorent les tombes, si tu leur demandes c'est quoi l'adoration, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Hein? Donc c'est pour ça que tu leur réponds, s'ils nient qu'ils adorent autre que Allah, tu leur demandes, ok d'accord, c'est quoi l'adoration? Explique-moi c'est quoi. فَإِذَا قَالَ أَنَا أَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ الْخَالِقَ الرَّزَّاقِ فَقُلْ لَهُ مضى أن هذا أقر به المشركون يقرون بأن الله الخلاق أو الخالق الرازق وأنه ربهم ومدبر أمورهم. Donc le cheikh il dit, et si il te dit moi je crois que Allah c'est lui le créateur et celui qui donne le rizq, hein? Alors tu lui dis on a déjà expliqué, on a déjà confirmé que les mushrikoun à l'époque ils affirmaient que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui leur créateur et celui qui donne la subsistance et que c'est lui leur seigneur, hein, et que c'est lui qui gère tout dans l'univers et qui contrôle tout. On a déjà affirmé ça et confirmé ça. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله ولكن أعتقد في الصالحين أنهم يشفعون ويقربون. قل هذا هو الشرك الأولين Fassir ma ma'na ibadatullah. Donc, s'il te dit par la suite, moi je n'adore pas excepté Allah, j'adore personne excepté Allah, mais je crois que les hommes pieux peuvent intercéder pour moi et qu'ils peuvent me rapprocher d'Allah. Alors tu lui réponds et tu lui dis, ça c'est exactement le shirk que faisaient les premiers mushrikins. Alors explique-moi, qu'est-ce que c'est la signification d'adorer Allah? C'est quoi adorer Allah? Tu lui demandes de t'expliquer. فَإِذَا قَالَ عِبَادَةُ اللَّهِ أَنِّي أَدْعُوهُ وَأَطْلُبُ مِنْهُ الْهِدَايَةُ وَالْرِزْقُ فَقُلْ هَذِهِ الْعِبَادَةُ الَّتِي تُؤْمِنُ بِهَا وَتُقِرُّ بِهَا أَنَّهَا عِبَادَةٌ لِلَّهِ إذا دعوته تطلب الرزق وتطلب الشفاء وتطلب كذا هذه عبادة فإذا صرفتها لغير الله طلبتها من الولي من الصنم من الجن من الملائكة ألا تكون أشركت بالله في هذه العبادة فلا بد أن يقر وهكذا الصلاة والذبح فإذا صلى العبد لله وذبح لله هذه عبادة فيقول لا بد ولا بد نعم فإذا ذبح لغير الله ذبح الإبل والبقر أو الغنم أو الأصنام أو صلى لها ذبح الإبل والبقر أو الغنم أو الأصنام أو صلى لها أو سجد لها ألم يكن عبادة لها فلا بد أن يقول نعم محجوج. Donc le cheikh il dit, donc explique-moi c'est quoi l'adoration. Alors la personne, si elle dit l'adoration d'Allah c'est que moi je l'invoque et je lui demande la guidance et la subsistance, alors tu lui dis, tu lui réponds, cette adoration à laquelle tu crois et que tu affirmes que c'est une adoration d'Allah, si tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant le rizq, en lui demandant la guérison, en lui demandant quelque chose, une chose quelconque, tu es d'accord que ça c'est une adoration pour Allah. Donc si tu l'offres cette adoration à autre que à Allah, tu la demandes par exemple, tu demandes à un wali, ou à une idole, ou à un djinn, ou à un ange, n'est-ce pas dans ce cas que tu as associé avec Allah dans son adoration? Et il doit absolument affirmer et confirmer que oui. Hein? Il doit affirmer et confirmer. La même chose pour la salat, la même chose pour le sacrifice. Hein, si le serviteur prie pour Allah, fait la salat pour Allah, sacrifie pour Allah, est-ce que c'est pas une adoration? Il faut absolument qu'il dise oui. Donc, si c'est une adoration pour Allah, quand tu le fais pour Allah, donc si tu le fais pour autre que Allah, comme tu égorges un animal, comme un chameau, ou une vache, ou un mouton, pour les idoles, ou que tu pries à l'idole, ou que tu te prosternes à l'idole, n'est-ce pas que ça c'est une adoration pour l'idole? Il faut absolument qu'il dise oui. Alors dans ce cas-là, tu l'as réfuté. Hein? Tu as établi la preuve contre lui dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il disait au début que ce qu'il faisait, c'est pas du shirk parce qu'il adore, il n'adore pas d'autre que Allah. Dis-moi, j'adore pas d'autre que Allah. Donc ça c'est, là tu viens de lui faire affirmer et admettre que d'offrir à autre que Allah une adoration quelconque, c'est du shirk. Donc tu as le dessus sur lui maintenant. Tu as établi la preuve contre lui. Ensuite, le shaykh dit: وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ بُطْلَانَ شُبَهِ الْمُشْرِكِينَ وَأَنَّ مَنْ فَصَّلَهَا وَانْتَبَهَ لَهَا وَجَادَ لَهُمْ بِالْحِكْمَةِ وَالْأُسْلُوبِ الْحَسَنِ يَتَّضِحُ الْأَمْرُ ومن أراد الله هدايته وأن من أراد الله شقاوته فلا حيلة فيه. Donc le cheikh il dit par ces deux exemples là, il dit par cela tu viens de clarifier la fausseté des shubuhat des mushrikins, et que tu viens de montrer que celui qui, yani, qui détaille les choses, hein, et qui fait attention, donc qui fait noter ces choses-là aux gens qui commettent ce shirk et qui argumentent avec eux avec sagesse et avec une bonne méthode, eh bien, il clarifie, les choses sont clarifiées par la suite. Et celui pour qui Allah veut la guidance, il sera guidé. Et celui pour qui Allah veut le malheur, eh bien, il ne peut pas s'en échapper. Parce que c'est Allah qui guide. Ensuite, le cheikh, il mentionne d'autres versets. Il dit, كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ وقال سبحانه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم من استحكمت في حقه الشقاوة ما ينتبه يجحد يعاند ولو جاءته كل آية فأبو جهل وعتبة ابن ربيعة وأشباههم جاءتهم الآيات فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات ولكن كفروا عن جحد وعناد كما قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هؤلاء كذبوا يجحدون وقال في قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا donc le cheikh il mentionne des versets pour montrer que beaucoup d'entre les kuffar et les mushrikin Allah subhanahu wa ta'ala les a égarés et que c'est des gens orgueilleux. Il y a des gens qui rejettent la vérité après l'avoir connue et avec compréhension, ils ont compris les preuves clairement, mais ils ont refusé de se soumettre par orgueil et par fierté. Il mentionne le verset 101 dans Sourate Yunus. Il dit mais ni les preuves, ni les avertisseurs parmi les prophètes ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Il n'y a rien que tu peux faire pour faire comprendre aux gens qui ne croient pas ou qui ne veulent pas croire, peu importe tous les versets et les signes que tu leur amènes. Hein? Et il mentionne également les versets 96 et 97 dans Sourate Yunus aussi. Ceux contre qui la parole, c'est-à-dire la menace de ton Seigneur, se réalisera ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient. Jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Donc ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit et a prédestiné le châtiment, il n'y a rien qui peut les sauver. Et il dit man istahkamat fi haqqihi shaqawa, celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le mal, qu'il sera malheureux parmi les malheureux, hein, il ne va pas donner aucune attention au signe. Il va rejeter et renier avec arrogance et orgueil. Hein? Il va s'obstiner, même si tu lui ramènes tous les signes, comme Abu Jahl par exemple, ou Utba ibn Rabi'a, et des gens de cette catégorie-là. Hein? Tous les signes leur sont parvenus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a lu les versets et leur a expliqué la signification de ces versets-là. Et malgré tout, ils ont rejeté la foi. Ils ont renié et ils se sont obstinés contre la vérité. Et il mentionne le verset 33 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Il dit, nous savons que ce qu'ils te disent, hein, t'attriste, mais ce n'est pas toi qu'ils renient, mais les injustes renient les signes d'Allah. Hein? Donc ils ont traité les signes d'Allah de mensonges et ils les ont reniés. Et il mentionne au sujet du peuple de Pharaon dans le verset 14 dans Sourate An-Naml, وَجَحَدُوا بِهَا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. C'est-à-dire ils ont renié les signes alors que en eux-mêmes ils savaient que ils avaient la certitude que c'était la vérité, mais ils les ont reniés par injustice et par fierté. Donc ils rejetaient les signes d'Allah par injustice et par fierté. Le cheikh il dit فالمقصود أن كثيرا من أعداء الله جحدوا عنادا لا عن شك فيما جاء به الرسل ولكن يحمله الجحد أو حب المال مثل ما فعل بلعام الذي انسلخ من دينه نسأل الله العافية وهو يعلم أن موسى جاء بالحق وهو ومع هذا يدعو عليه وعلى بني إسرائيل طاعة لقومه وإيثارا للدنيا على الآخرة حتى أهلكه الله وانسلخ من العلم والإيمان نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit, et qu'est-ce qui est important de comprendre maintenant, c'est que beaucoup d'entre les ennemis d'Allah, ils renient par arrogance et par orgueil et non pas par doute de ce que les messagers leur ramènent. C'est pas parce qu'ils doutent, c'est pas parce qu'ils savent pas que c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens parmi les gens aujourd'hui qui jugent avec les sentiments parfois par rapport aux koufars et aux mouchriquins, et ils s'imaginent que tous les koufars sont koufars par ignorance. Ils pensent qu'il n'y a pas un kafir qui est ignorant parce que ils pensent qu'il n'y a pas un kafir qui est kafir parce que yani il rejette la vérité par arrogance et fierté. Ils disent, ah lui si il accepte pas l'islam, c'est parce qu'il est ignorant, il connaît pas l'islam. S'il connaissait l'islam, il aurait cru en l'islam. Ça c'est pas vrai. Quelqu'un peut connaître l'islam et le rejeter. Quelqu'un peut connaître l'islam et savoir que l'islam c'est la vérité et être convaincu que c'est la vérité, et malgré tout il est kafir. Et pourquoi? Par arrogance, par fierté, par orgueil, ou bien par d'autres excuses. Quelqu'un par exemple, tu lui parles de l'islam, tu lui montres l'islam, tu lui dis que l'islam c'est la vérité, et tu lui dis, est-ce que tu es d'accord avec ça? Il dit oui. Est-ce que tu es d'accord que l'islam c'est le haqq et que c'est la vérité? Il dit oui. Est-ce que tu crois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un messager? Il dit oui. Puis après tu lui dis, est-ce que tu es prêt à l'accepter? Il dit non, parce que moi je suis de telle origine et de tel pays, et donc nos ancêtres ils étaient chrétiens, et donc moi je dois rester sur la religion de mes ancêtres, comme Abu Talib. Donc ça c'est des exemples. Ça ne veut pas dire quelqu'un il rejette l'islam, ça veut dire qu'il est ignorant nécessairement. Il peut avoir la meilleure connaissance de l'islam, même il peut connaître l'islam mieux que beaucoup de musulmans, et malgré tout il est kafir, pas par ignorance, par arrogance, par fierté ou pour d'autres raisons futiles comme ça. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qui les amène à rejeter? C'est le fait qu'ils renient, ou bien parce qu'ils aiment l'argent. Tu vois des gens parfois, tu entends des koufars qui disent des choses qui sont tellement absurdes, et tu leur montres même que qu'est-ce qu'ils disent c'est faux et que c'est de l'absurdité, mais ils refusent de l'accepter. Ils refusent de l'accepter parce que si il dit pas qu'est-ce qu'il dit, on va lui enlever son salaire, on va lui enlever son poste. Il y a plein de koufars maintenant dans la société des koufars. S'ils commençaient à glorifier l'islam et à dire du bien de l'islam, ils vont les mettre à la porte de leur travail, comme par exemple des journalistes ou des gens qui travaillent dans les médias ou dans la radio. S'ils commencent à glorifier l'islam et à dire du bien de l'islam, on va les mettre à la porte, et eux ils ont réussi à avoir un poste, avoir un prestige, avoir de la popularité, de la célébrité. Et ils disent, bon, si je commence à dire du bien de l'islam et à dire la vérité, on va me mettre à la porte. Donc ils refusent d'accepter la vérité à cause de ça. Hein? C'est pas parce que la personne est ignorante. Des fois, elle sait très bien que qu'est-ce qu'elle dit, c'est faux. Mais elle aime l'argent, elle aime le pouvoir, elle aime sa position. Elle ne veut pas laisser tomber ça. Elle aime la dunya. Et le cheikh, il donne l'exemple de Boul'am. Boul'am, c'était un homme qui vivait à l'époque de Moussa alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un don. C'est que chaque fois qu'il invoquait, il était exaucé. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il était avec Moussa alayhi salam au début, mais par la suite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me rappelle plus les détails, mais à un moment donné, il a invoqué contre Moussa alayhi salam et son peuple. Il a fait ça pour obéir à son peuple à lui. Donc il savait que Moussa alayhi salam est sur le haq. Et ce que Moussa alayhi salam faisait, c'était la vérité. Hein? Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué contre Moussa et contre Bani Israël à l'époque. Et il a fait ça pour obéir à son peuple. Hein? Et parce qu'il préférait la dunya à l'au-delà. Parce qu'on lui avait promis plein de bonnes de choses de la dunya s'il faisait ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détaché complètement de sa connaissance et de sa religion. Et il a préféré la dunya et il a fait des doigts. C'est de lui qu'on parle dans le verset, dans surat Al-A'raf, à la fin. Dans surat Al-A'raf, à la fin de surat Al-A'raf, il y a un verset qui parle de lui justement. J'essaie de vous rattraper, de vous retrouver le verset en question. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. C'est le verset qui commence, le verset 175 à 176. Et 177 aussi, 178, 179. Donc vous pouvez lire de 175 à 179. C'est-à-dire, et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allaite. Si tu l'attaques et qui allaite si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Donc ce verset-là, si tu regardes dans Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation, ou bien dans le tafsir des ulama sur ce verset, il mentionne l'exemple de Boul'am. Donc c'est à ce sujet-là. Donc, sallallahu al-afiyah, qu'Allah nous préserve de ça. Et après il dit, wal maqsoud anna al-mushrikin aqsam. Donc là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que les mushrikoons sont différentes catégories. Ils ne sont pas une seule catégorie, comme certains s'imaginent. Hein? Kuffars ne sont pas tous dans une seule catégorie. Il y a plusieurs catégories de kuffars, plusieurs catégories de raisons et de motivations derrière le kuffar. Ce n'est pas une seule sorte de kuffar qui existe. Et donc, le cheikh il dit, « وَمِنْهُمُ الْجَهَلَ وَهُوَ الْأَغْلَبُ الْأَغْلَبُ الْجَهْلُ كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Donc le cheikh il dit, parmi eux, parmi les mushrikins, il y en a des ignorants. Et ça c'est la majorité. Hein? La majorité de la raison du kuf et du shirk des gens, c'est leur ignorance. C'est le verset 44 dans Surat Al-Furqan, où Allah dit ce qui signifie, est-ce que tu penses que la plupart d'entre eux entendent ou raisonnent? Ils ne sont que comme des bestiaux, et ils sont même plus égarés encore. Donc ça c'est l'état de la majorité des koufars et des mushrikines, et malgré tout, malgré leur ignorance, ce sont des koufars et des mushrikines quand même. Hein? Sauf que c'est des koufars ignorants, des mouchriquins ignorants. Ensuite, le cheikh dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْفُرْ جُحْدًا أو جَحْدًا وَعِنَادًا وَتَكَبُّرًا وَإِلَّا هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الْحَقِّ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنْ يَقُولُ أَنَا مَا أَتْبَعُ هَؤُلَاء وَلَا أَكُونُ تَبَعًا لِهَؤُلَاء ولا يرضى أن يكون تبعا للمسلمين تكبرا وعنادا وبغيا أو من أجل مال يعطى إياه أو وظيفة يأخذها ولو أسلم لنزعت منه فيترك الإسلام من أجل الوظيفة أو من أجل المال الذي يتقاضاه أو من أجل محبة الأقارب يكون معهم في كفرهم وما أشبهه كما جرى لكثير من كفار قريش وغيرهم حملهم البغي والحسد والجحود والتكبر على إنكار الحق وعدم الرضا به كأبي جهل وعتبة ابن أبي ربيعة وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وغيرهم ومثل أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبههم. Le cheikh il dit, et parmi les catégories également, il y a celui qui rejette la vérité et qui rejette l'islam parce qu'il nie, parce qu'il renie la vérité, hein, parce qu'il veut renier la vérité, par arrogance, par fierté, par orgueil. Mais au fond de lui-même, il sait que la vérité est avec les prophètes et avec les croyants. Mais il dit, hein, moi je ne veux pas suivre ces gens-là. Et je ne veux pas être derrière ces gens-là, je ne veux pas les suivre. Hein? Et il n'est pas satisfait de suivre les musulmans par fierté, par orgueil, par arrogance. Peut-être qu'il y en a comme ça. Mais qui dit, oh, moi je ne veux pas suivre ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il a du mépris en lui-même contre les musulmans. Et il se pense supérieur. Alors à cause de ça, il est fier, il est arrogant. Il ne veut pas devenir musulman parce qu'il s'imagine qu'il est plus évolué, plus civilisé à cause de ça. Hein? Ou bien, il refuse d'accepter l'islam parce qu'on lui donne de l'argent, ou parce qu'il a un poste, ou parce qu'il a une situation. Hein? Et donc, il dit, mais si je deviens musulman, je vais perdre tout ça. Hein? Les gens vont me voir comme étant mauvais, comme étant faible, ou des choses de ce genre. Hein? C'est quelqu'un comme, par exemple, quelqu'un qui est haut placé, comme le pape, ou comme, une personne qui est haut placée dans la société des koufars de l'Europe ou de d'autres pays parmi les pays du coffre qui sont dans des positions élevées de pouvoir et de prestige ou qui ont des postes dans les médias ou des choses comme ça et ils voient l'islam, ils voient que c'est la vérité, puis ils refusent de l'accepter parce que ils disent si je deviens musulman, eh bien on va m'enlever ça, hein, on va m'enlever ça puis je pourrai plus le faire. Hein? Et puis il y a beaucoup de gens aussi dans les milieux de choses haram, par exemple des gens qui font de la musique, qui font du rap, qui font des choses comme ça ou d'autres, et qui disent ah ben je peux pas devenir musulman même si je sais que c'est la vérité, je peux pas suivre ça parce que sinon je dois abandonner ça, je dois arrêter de faire la musique et là je vais perdre ma célébrité, je vais perdre mon argent, je vais perdre ci et ça. Donc il dit ah moi dans ce cas-là je vais pas accepter l'islam, je vais rester comme ça dans le coffre. Hein? Tout ça, c'est des exemples qui peuvent faire que quelqu'un rejette la vérité, hein, malgré qu'il sait que l'islam, c'est le haq. Et donc, le cheikh, il dit, il abandonne l'islam à cause de son travail, à cause de son poste, à cause de l'argent qu'on lui donne, ou bien à cause du fait qu'il aime ses proches. Hein, il ne veut pas leur faire de la peine, il veut rester avec eux. Hein, il sait que sa famille sont des mouchriquines, des koufars. Et si je deviens musulman, ils vont être tristes, ils vont être en colère contre moi, donc je vais rester dans le coffre, malgré qu'il sait que l'islam c'est le haq. Hein? Donc tout ça c'est arrivé parmi les koufars de Quraysh. Et parmi eux, certains ont été poussés par la jalousie, ou par le reniement de la vérité, ou par orgueil, ou parce qu'ils. Par transgression, hein, ou par rejet de la vérité, ou par satisfaction, le fait qu'ils n'étaient pas satisfaits de la vérité, ou des choses comme ça. Donc, comme l'exemple d'Abu Jahl, de Utba ibn Rabi'a, de Shayba ibn Rabi'a et de d'autres également, l'exemple de Abu Talib aussi, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres comme ça, il y en a plein comme ça. Même j'ai même rencontré des gens parmi des gens que je connaissais parmi les haïtiens, quand je les ai appelés à l'islam, il y en a un qui refusait de se convertir à l'islam, malgré qu'il disait oui, je suis d'accord, l'islam c'est la vérité et tout, mais moi je peux pas arrêter de manger du porc parce que j'aime trop le porc, hein. Et les haïtiens ils mangent le plat national haïtien, si on veut le plat le plus connu là en Haïti, celui que les haïtiens aiment le plus, c'est le griot. Et le griot, c'est du porc grillé. Hein? Et donc, ils aiment tellement le griot, là, c'est comme il y en a qui, à cause de ça, c'est comme lui, il me disait, moi, je ne peux pas arrêter de manger du griot, donc je ne veux pas accepter l'islam. Hein? Malgré qu'il dit, oui, je sais, l'islam, c'est la vérité, mais je ne peux pas me passer de ça. A'ouzou billah. Donc, t'imagines? Il y en a un autre qui me dit, non, je ne peux pas devenir musulman, je ne veux pas abandonner la danse. Hein? J'aime trop danser. Donc, moi, je ne pourrais pas me passer de ça. Donc c'est des exemples comme parfois pourquoi quelqu'un refuse d'accepter la vérité pour des choses très futiles, alors que si elle réfléchissait cette personne puis qu'elle pensait à qu'est-ce qui l'attend dans l'au-delà, hein, l'enfer éternel pour un petit plaisir ou un poste ou quelque chose de futile parmi les choses de la dunya, tu refuses d'accepter le haq et tu brûles dans l'enfer pour l'éternité pour ça, est-ce que ça vaut la peine? Nasallallahu al-afiyah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et puis on va continuer la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.